Chapitre 31e. Quelques jours après, Madame d'Ourneuf rentrait chez elle. On aurait pu croire à quelque embarras, quelque gêne vis-à-vis de son mari et de sa maison. Il n'en fut rien. Sans doute, au fond d'elle-même, Marianne sentait bien la fausseté de sa position. Mais elle paya d'orgueil et montra tous un visage altier. Son équipée n'avait pas fait grand bruit dans le monde à cause de la réserve de d'Ourneuf qui en avait imposé aux curieux. Son retour ne fut pas considéré comme un événement de grande importance. M. Merhoff avait toujours dit que sa fille était retenue à l'étranger par le soin de sa santé, et ses amis avaient fait semblant de le croire. Le retour de Marianne ne fut donc signalé au dehors par aucune circonstance particulière. Le soir de ce premier jour, si embarrassant pour tout le monde, excepté pour Marianne seule, peut-être, lorsque les enfants furent couchés, Mme d'Ourneuf entra dans le cabinet de son mari. Alors il releva la tête et fronça le sourcil. Il n'entrait pas dans ses plans de permettre de semblables intrusions. Mais avant qu'il eût pourri la bouche, sa femme s'était assise en face de lui et lui parlait affectueusement. Les années d'absence avaient prodigieusement embelli Madame d'Ourneuf. Elle avait perdu les grâces enfantines qu'elle avait conservées si longtemps après son mariage. Mais elle en avait acquis d'autres, plus féminines, plus artificielles peut-être, plus séduisantes aussi. Marianne savait désormais profiter de tout ce que sa toilette peut ajouter à la beauté d'une femme, et aussi de tout ce que la beauté d'une femme peut obtenir de ceux qui sont accessibles. « Vous êtes vraiment bon, mon ami, » disait Marianne d'une voix musicale un peu voilée, qui était chez elle un charme nouveau. Le timbre de cristal avait disparu, mais la passion contenue vibrait désormais dans ses moindres paroles. « Vous êtes bon de m'avoir écrit de revenir. » Et je ne puis vous en exprimer toute ma reconnaissance. » Les yeux de Marianne, venant en aide à ces paroles, se posèrent sur d'Ourneuf avec une émotion discrète. Le président resta immobile et son regard ne quitta pas le tapis. « Je sais tout ce que je vous dois, » reprit Marianne, « et je ne serai point ingrate. J'ai beaucoup réfléchi depuis quelques années et je me suis dit que vous n'étiez pas seul responsable de mon erreur, vraiment. » répondit d'Ourneuf d'un ton glacé. « Vous avez trouvé cela. Vous êtes bien bonne. » Sans relever l'ironie de ses paroles, Marianne continua les yeux baissés cette fois. « Oui, j'étais trop jeune, peut-être. Dans tous les cas, trop enfant. Je n'ai pas su apprécier votre mérite. Votre sérieux m'a paru de la froideur. Votre dignité, de l'orgueil. Vous étiez trop grave pour moi. » « Comme elle ment, » pensa d'Ourneuf en se rappelant les premiers jours de leur union. Ou enivré par la grâce et la beauté de cette charmante femme qui semblait l'adorer, qu'il adorait même sincèrement, il ne songeait guère à garder son sérieux et sa dignité près d'elle, mais il continua de se taire. « Et pourtant, » reprit Marianne, « je vous ai passionnément aimé. Oui, malgré votre sourire sarcastique, je vous ai aimé, vous le savez bien. » « Pourquoi avez-vous cessé ?» demanda d'Ourneuf d'un ton tranquille. « Parce que vous avez été trop dur pour moi. » s'écria Marianne avec véhémence. « Parce que vous n'aimiez pas ce que j'aimais, parce que vous n'avez cessé de contrarier mes goûts, parce que mes amis devenaient vos ennemis. »« Vous choisissiez bien vos amis, en effet, » interrompit d'Ourneuf en regardant fixement sa femme. « Devais-je, en vérité, en faire les miens ?» Marianne rougit et frissonna de la tête aux pieds. « Il va me tuer, » pensa-t-elle. « C'est le désespoir qui m'a entraîné à la chute, » dit-elle tout haut, les yeux mouillés de larmes. Avec un attendrissement indicible dans la voix, c'est parce que vous ne m'aimiez plus. Ce n'est pas moi qui ai rompu le premier les liens de tendresse qui rendaient notre vie heureuse autrefois. C'est vous, Serge, c'est vous, répliqua Marianne en se levant. Elle s'approcha de son mari, jeta à son cou ses bras admirables et, couchant sur son épaule ses boucles blondes et vaporeuses, elle murmura. Je t'aime toujours, Serge. Pardonne-moi, soyons encore heureux de nous aimer. Surpris d'abord par la soudaineté de ce mouvement si peu prévu, d'Ourneuf n'avait pu en croire ses propres yeux. Mais en sentant sur sa poitrine le visage de Marianne, il recula en arrière, saisi d'un tremblement violent qui le secouait de la tête aux pieds. « Vous, » s'écria-t-il en s'arrachant des bras de sa femme, serrée autour de lui, « vous osez, j'étais jalouse, Serge !» murmura Marianne, en essayant de saisir la main qu'il refusait. « Jalouse ?» Et où donc, dans ma conduite, avez-vous l'ombre d'un doute, d'un simple doute ? Marianne releva fièrement sa tête repentante et indiquant du doigt le portrait d'Antonine. « Ici !» dit-elle. Dournov regarda sa femme un instant d'un regard fixe qui la fit pâlir. Puis la saisissant brutalement par le poignet, il la précipita à genoux. « Misérable » dit-il. « Misérable !» Il essaya de parler, mais ne put trouver les mots qu'il cherchait. Sa colère était si forte qu'il avait perdu le jugement. Marianne, éperdue, restait à genoux. Il lui lâcha le bras et la regarda, faisant un pas en arrière. « Vous avez osé outrager une sainte ?»« Oui, je suis coupable, vous avez raison. J'aurais dû toute ma vie rester fidèle au culte de cet ange envolé. » J'ai failli, mais seulement le jour où j'ai cédé à vos séductions. Vous êtes la chair, vous, elle était l'esprit. Vous n'avez rien de commun avec elle, vous n'avez jamais marché dans les mêmes sentiers. » Il se détourna avec dégoût. Marianne profita de ce mouvement pour se relever. Sa feinte humilité avait disparu. « Je vous offrais la paix, » dit-elle d'un ton dur. « C'est vous qui avez choisi la guerre, je l'accepte. Mais maintenant, vous êtes responsable de l'avenir. Je resterai ici, je vous en préviens, car pour me chasser, il faudrait employer la violence, et vous n'oserez pas. » Elle sortit là-dessus. Le bruit de sa robe traînante retentit un instant dans la pièce voisine, puis s'éloigna, et tout resta morne et muet. Dournov se prit la tête à deux mains. Tout chancelait autour de lui, mais il ne savait de quel côté tourner ses regards. Après un instant de la plus cruelle torture, il sonna. La Niania apparut. « Niania, dit-il, tu aimes mes enfants. « Comme toi, mon maître, répondit la vieille femme. « Tu me jures de ne jamais les abandonner. « Pourquoi les abandonnerais-je ? Fit la Niania en haussant les épaules. « Quand je mourrai seulement, pas avant, bien sûr. « C'est bien, dis au cocher d'atteler. « À 7 heures ? Demanda-t-elle surprise. « Oui, j'ai affaire, vite. » Elle obéit en silence, comme toujours. Dournov restait seul, se mit à son bureau et rangea divers papiers. Il écrivit plusieurs lettres qu'il mit en évidence, dont une adressée à son beau-père. Puis il chercha dans un tiroir les lettres d'Antonine, les relut d'un coup d'œil et les mit à brûler dans la cheminée. Comme il jetait un dernier regard autour de lui, il aperçut le portrait de la jeune fille. Aussitôt il le décrocha, retira la photographie de son cadre et la joignit aux lettres déjà en cendres. Il regardait le papier se tordre sous l'action du feu. Bientôt, il ne resta plus qu'un monceau de cendres noires qui conservait la forme du portrait. Et où couraient des étincelles rouges. Quand la dernière étincelle eut disparu, il donna un coup de pincette dans les charbons ardents et tout s'évanouit. « La voiture est prête, » va dire la Niania. Dournov fit un signe de tête. « Tu vas loin seul, la nuit ?» fit la Niania inquiète. « S'il allait t'arriver malheur ?»« Il ne peut plus m'arriver de malheur, » répondit Dournov, en se dirigeant vers la chambre de son fils. Par ordre de Marianne, on avait réuni les deux enfants dans la même pièce. Ils dormaient l'un et l'autre, chacun dans son berceau. Le même reflet de joie et de paix enfantine illuminait ces deux visages. Dournov les contempla avec une égale tendresse, les embrassa l'un après l'autre et sortit de la chambre. La vieille Niania le suivait, inquiète comme un chien qui voit son maître partir sans lui. Dournov se retourna et l'embrassa sur son front parcheminé. « Tu veilleras bien sur eux, » dit-il, et il disparut.